danse. Thank you. you very much. Do we want to do what we are able to do? Such something à la recherche de moi-même. Allez, risque, danger. Allez, pour assurer mes pas. I need a Jervis. Oh, yeah. System. Follow. Try it. Just one.

Thank you. La tempête arrive. De tension multifactoriel, tension en approche. Malgré mes avertissements, les avertissements des pouvoirs publics, la tempête se prépare. De la nature, ce don maîtrisé, barrage, les rivières qu'on croyait. Baleines contre un tanker. Deux tankers, une baleine. très bon.